pour y'a ou l'école. Ou apprendre à BCD. Ou apprendre à faire la balette. Ou craser qu'on a oui là. Oh maman, faut y'a ou l'école. Ou apprendre à BCD. Ou apprendre à jambé savonne. Ou craser qu'on a oui là. Ou pas. Ou apprendre à jambé savonne. Ou craser qu'on a oui là. Ou pas.